Et je t'en veux d'avoir fait de moi ce que je suis. Et je t'en veux d'avoir vu en toi autant de mépris. Et je t'en veux aussi parfois d'ignorer quand je suis triste. Et je t'en veux car quand je n'y arrive pas tu te réjouis. Et je t'en veux parce que tu disais que c'était pour mon bien. J'ai plus confiance en moi, c'est tout ce que je retiens. Je t'en veux, t'étais pas là. Je t'en veux, t'étais pas là. Je pleure dans le noir, mais tu ne vois pas. Je crie si fort, mais tu m'entends. C'est impossible, c'est pour ça que je l'ai fait. Je t'en veux de n'avoir jamais compris qui j'étais. Le visage vers le sol, je cherchais ton soutien. Ma joue sur ton épaule, la chaleur de ta main. Je t'en veux, t'étais pas là. Je t'en veux, t'étais pas là. Tu ne vois pas, je crie si fort, mais tu m'entends pas. Je suis surpris, il me reste des larmes. J'ai pleuré si fort, mais tu ne me vois pas. Tu ne me vois pas. Non, tu ne me vois pas. Et quand j'y pense, on aurait pu le faire à deux. Et quand j'y pense, on aurait pu le faire à deux. Et quand j'y pense, on aurait pu le faire à deux. Mais quand j'y pense, je t'en veux. Et quand j'y pense, on aurait pu le faire à deux. Et quand j'y pense, on aurait pu le faire à deux. Et quand j'y pense, on aurait pu le faire à deux. Mais quand j'y pense, je t'en veux. Et quand j'y pense, on aurait pu le faire à deux. Et quand j'y pense, on aurait pu le faire à deux. Et quand j'y pense, on aurait pu le faire à deux.